te baisser, pas voulu m'aventurer là dans ta vie à toi. Oui, t'as raison, c'est pas la mienne. Ce train, je l'aurais bien retenu, tu sais, celui qui ne s'arrête pas. Oui, mais je l'ai loupé, pas tendu le bras assez loin. Viens, ouvre-moi les veines et laisse le sang couler jusqu'à ce que je sois toute blanche et comme un veau pendu par les pieds. Je me viderai de tout le mal que je t'ai fait et ce sera bien fait. Alors viens et ouvre-moi les veines et laisse le sang couler jusqu'à ce que je sois toute blanche et comme un veau pendu par les pieds. Je mériterai ma peine sans rien broncher et ce sera bien fait. Les pieds, mes cheveux ne touchent même plus la terre, pourvu que je reste comme ça, la tête en bas. Au moins ça bourdonne dans ma tête et c'est bien fait pour moi. J'avais qu'à pas te faire du mal, c'est bien mieux comme ça. Viens, ouvre-moi les veines et laisse le sang couler jusqu'à ce que je sois toute blanche et comme un veau pendu par les pieds. Je me viderai de tout le mal que je t'ai. Alors viens et ouvre-moi les veines et laisse le sang couler jusqu'à ce que je sois toute blanche et comme un veau pendu par les pieds. Je mériterai ma peine sans rien broncher et ce sera bien. De ce que j'étais encore debout pour me fracasser la tête, sûr que ça aurait été vite fait. Mais si vite et j'aurais rien senti, ça aurait pas été du jeu ni pour toi ni pour moi. Je mérite d'avoir mal. Viens et ouvre-moi les veines et laisse le sang couler jusqu'à ce que je sois toute blanche et comme un veau pendu par les pieds. Je me viderai de tout le mal que je t'ai fait. Jusqu'à ce que je sois toute blanche et comme un veau pendu par les pieds. Je mériterai ma peine sans rien broncher et ce sera bien fait.